C'est du Hugo mon frère. Sentence, saison 2007. UVSS, yeah. Yeah. Ici, on veut des millions comme deux par Dieu. Baiser les pétasses deux par deux. Je fais ce que je veux là où je veux, quitte à ce qu'on me descende. L'ambiance est froide, comment descendre? Mettons sous tes ta capuche, dans l'espoir de ramener bon à la ruche. Nique sa mère les embûches, les poulets on les embroche. Illégal pour être dans le coche, la dalle depuis les premières accroches. Fauche les BPM avec toujours la même haine. De 99 à 2007, on reste là, on nique ça, on filme ça. Histoire personne nous oublie, laisser une empreinte dans cette vie. Même si tout s'accélère, que tout va trop vite. Comme les pulsations cardiaques lorsque je pilote un sale bolide. Toujours dans les tours, regarde ce qui se passe autour. Le parcours nos frères et sœurs, c'est la merde. Et l'état joue la sourde oreille. Mais nos frères portent l'oseille, font des trucs de fous. Et nos sœurs se prostituent, d'autres finissent attachés à un lit, soit disant qu'ils sont fous. Là on vit, on y trouve ça. Dans nos écrits, on y rappe ça. Bruyant comme un cross, violent comme un coup de crosse. Où les pleurs se gossent, les portes et les barrages, on les passe en force. Là on vit, on y trouve ça. Dans nos écrits, on y rappe ça. Bruyant comme un cross, violent comme un coup de crosse. Où les pleurs se gossent, les portes et les barrages, on les passe. Laisse-moi passer, laisse-moi rapper, j'en ai trop sur le cœur. La douleur fait mal mon frère, mal comme une plaie ouverte, rincé à l'alcool. Certes ici ça marche à la fiole, à l'instinct, on cherchait le festin. On a eu qu'une maigre part du butin, jeune on se voyait en place, putain. Regarde la vérité en face, là où on vit la poisse s'entasse. J'aimerais te dire que tout va bien, que le temps passe sans laisser de traces. Mais là on vit, c'est la crasse, les tasses, les passes. La nuit ça se zingue, ça se braque avec de vrais, de faux flingues. Histoire de fou, de vrais, de faux caïds. De corps tour à la crée de cocaïne. De civils corrompus comme l'état français. Une race qui pense qu'à pioncer. Tandis que nos pères tuent la santé sur les chantiers. 20, 30, 40 ans passés. Et pourtant rien n'a changé. C'est pour quand les émeutes comme en 68. Peut-être qu'en 2008, je sais pas. Là on vit, on y trouve ça. Dans nos écrits, on y rappe ça. Bruyant comme un cross, violent comme un coup de crosse. Où les pleurs se gossent, les portes et les barrages, on les passe en force. Là on vit, on y trouve ça. Dans nos écrits, on y rappe ça. Bruyant comme un cross, violent comme un coup de crosse. Où les pleurs se gossent, les portes et les barrages, on les passe en force. Parce qu'on a tous nos propres règles, n'as-tu pas de rêve? On avance avec l'envie de vaincre, on marche sur la défaite. On en garde un goût amer, la tête haute et fière. Même si d'où je viens, la plupart de nos rêves sont au cimetière. N'oublie pas frère, qu'avec la volonté on peut arriver à faire de grandes choses. Faut croire en sa cause, sans jouer les rabat-joie. Ose, sans se prendre pour un autre, pose. Avec simplicité et sincérité, je fais tout pour rester dans le vrai. Dans l'under, ça lutte, en vérité on veut se faire entendre. Sans dénigrer le produit, à l'inverse de ce qu'ils mettent en avant. Toute cette merde, à croire que ça qui se fait. J'ai sacrifié du temps, des heures, de la sueur pour être là, j'espère que vous êtes satisfaits. Cherche pas à faire la star, ni à jouer les victimes. L'usager de la rime, désolé si ça part dans tous les sens. Et que parfois je perds le thème, ce rap est régi par la haine. J'écris à l'encre rouge, ma plume saigne. Là on vit, on y trouve ça. Dans nos écrits, on y rappe ça. Bruyant comme un cross, violent comme un coup de crosse. Où les pleurs se gossent, les portes et les barrages, on les passe en force. Là on vit, on y trouve ça. Dans nos écrits, on y rappe ça. Bruyant comme un cross, violent comme un coup de crosse. Où les pleurs se gossent, les portes et les barrages, on les passe en force. Là on vit, on y trouve ça. Dans nos écrits, on y rappe ça. Bruyant comme un cross, violent comme un coup de crosse. Où les pleurs se gossent, les portes et les barrages, on les passe en force. Là on vit, on y trouve ça. Dans nos écrits, on y rappe ça. Bruyant comme un cross, violent comme un coup de crosse. Où les pleurs se gossent, les portes et les barrages, on les passe en force.